un des radiotélégraphistes de Comodoro Rivadavia, escale de Patagonie, fit un geste brusque, et tous ceux qui veillaient, impuissants, dans le poste, se ramassèrent autour de cet homme et se penchèrent. Il nota quelques signes indéchiffrables, puis des mots, puis on rétablit le texte. « Bloqué à 3008 au-dessus de la tempête, naviguons plein ouest vers l'intérieur, car étions dérivés en mer. Au-dessus de nous, tout est bouché. Nous ignorons si survolons toujours la mer. Communiquez si tempête s'étend à l'intérieur. » On dut, à cause des orages, pour transmettre ce télégramme à Buenos Aires, faire la chaîne, de poste en poste. Buenos Aires fit répondre. « Tempête générale à l'intérieur. Combien vous reste-t-il d'essence ?»« Une demi-heure. » Et cette phrase, de veilleur en veilleur, remonta jusqu'à Buenos Aires. L'équipage était condamné à s'enfoncer, avant 30 minutes, dans un cyclone qui le drosserait jusqu'au sol.